terrasse. J'ai caché toutes mes maladresses. J'ai changé tout ce que tu n'aimes pas, rien que pour toi. J'ai appris à laisser mes peines pour mieux comprendre toutes les tiennes. J'ai tué ce que tu détestes, rien que pour toi. Je t'aime. Je t'aime, je sais, je sais, rien que pour toi. Je t'ai pris tout ce que tu détestes. J'ai montré toutes mes maladresses. J'ai gardé tout ce que tu n'aimes pas, rien que pour toi. Je t'ai fait partager mes peines pour oublier toutes les tiennes. J'ai tué tout ce que tu aimes, rien que pour toi. Je t'aime.